Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Allez, à nos fourneaux. En 1821 paraît Le cuisinier économe, un livre de cuisine. Les amateurs de desserts et de pâtisseries trouveront de fabuleuses recettes, celle-ci par exemple. On a dans une terrine de grès la quantité de crème dont on a besoin et un blanc d'œuf frais. Et on met dans une terrine de la glace pilée dans laquelle on a jeté une poignée de sel. On place la crème dessus, on la fouette avec un balai d'osier jusqu'à ce qu'elle soit bien prise. Nous voici avec une crème fouettée à la chantilly. Chantilly comme une manière de faire. Ainsi, le cuisinier économe en 1821 propose un fromage à la chantilly et même un potage à la chantilly, en réalité une purée de lentilles, avec des croûtons frits. L'attention portée à l'art culinaire se développe au 19e siècle quand est inventée la gastronomie, l'art du goût, l'art de parler de la bonne chère. Un an après la parution du cuisinier économe, en 1822 donc, naît le prince Henri d'Orléans, duc d'Aumale, qui hérite à l'âge de 8 ans du magnifique domaine de Chantilly au nord de Paris. Son goût le porte à collectionner non pas les recettes, mais les œuvres d'art. Et puisqu'il est riche, il n'est pas économe. Il cherche des œuvres du peintre Raphaël, considéré au 19e siècle comme le summum des artistes. La collection est toujours là dans son domaine légué à l'Institut de France. Alors que vaut le Raphaël à la Chantilly? La recette donne envie. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous partons à la rencontre des artistes qui sont restés confinés dans leur musée. James Tissot, l'ambigu moderne à Orsay. Nous allons parler du folklore pour comprendre le futur au Centre Pompidou-Metz et de Jean-Marie Delaperche, un artiste face aux tourments de l'histoire. C'est à Orléans. Le cours de l'histoire, oui, s'intéresse à ces expositions préparées de longue date où les œuvres étaient accrochées aux 6 mètres, mais des émissions qui ont été profondément perturbées par la crise sanitaire. Des émissions à réécouter sur le site franceculture.fr ou bien en podcast. C'est la balado-diffusion. Et puis vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook où vous êtes de plus en plus nombreux. Le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous partons à Chantilly à la rencontre de Raphaël et de Mathieu Deldic. Bonjour Mathieu Deldic. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes conservateur du patrimoine au musée Condé. Et puis, vous êtes là pour nous parler de cette exposition. Raphaël à Chantilly, le maître et ses élèves. Alors il faut nous raconter déjà... l'histoire de l'exposition, donc évidemment préparée de longue date et puis perturbée par la crise sanitaire et par le confinement. Oui, vous savez qu'en 2020, donc cette année, nous fêtons le 500e anniversaire de la mort de Raphaël, qui est mort le 6 avril 1520 au terme d'une carrière fulgurante. Et étant donné que la collection de Chantilly est si riche en dessins et en tableaux de Raphaël, il fallait que nous proposions quelque chose au public. Donc c'est une exposition qui a été préparée de longue date et qui était accrochée sur les cimaises du château. Et malheureusement, la crise sanitaire est passée par là et l'exposition a dû fermer au bout d'une semaine. Mais fort heureusement, elle vient de rouvrir et elle va être prolongée jusqu'au 30 août prochain. Voilà, donc énorme frustration, j'imagine. Ça a dû être quelque chose de terrible pour un conservateur et puis un commissaire d'exposition de découvrir que tout ce travail pourrait éventuellement, alors jamais ne servir à rien, parce qu'il y a toujours la recherche après qui peut être réutilisée, il y a le catalogue. Mais enfin, quand même, le degré de frustration doit être immense. Oui, parce qu'en fait, lorsque nous préparons un tel projet, un catalogue, une exposition, c'est pour le public. Et il n'y a rien de plus triste que de voir un artiste, ses œuvres, un projet culturel, orphelin, seul. Et donc, c'est finalement un soulagement que de pouvoir rouvrir et puis partager avec le plus grand nombre les œuvres et la connaissance sur un artiste qui reste le plus grand ou l'un des plus grands de la Renaissance. C'est très important à souligner. Raphaël est un artiste exceptionnel. Bon, nous parlons de l'exposition à Chantilly. Il y avait aussi la grande exposition à Rome. Alors là, c'est beaucoup plus loin et puis c'est compliqué à y aller, qui elle aussi est complètement perturbée. Il faut rappeler combien Raphaël est un personnage essentiel dans l'histoire de l'art. Alors, dans l'histoire de l'art, déjà de son temps, Raphaël nous conduit à la Renaissance italienne. Oui, alors peut-être qu'on peut commencer par une petite citation de l'un de ses premiers biographes, qui est Giorgio Vasari, au XVIe siècle, qui dit, à l'occasion de la mort de Raphaël, « Quand ce noble artiste mourut, la peinture pouvait bien mourir elle aussi, puisque quand il ferma les yeux, elle devint presque aveugle. » Et donc, c'est une phrase assez importante, hein, riche de sens, qui montre que Raphaël avait bouleverser le cours de l'histoire de l'art et que après lui les choses ne seraient plus du tout pareilles, que ce soit en termes de dessin ou de peinture. Et cette fortune, cette réputation, en fait, elle a perduré jusqu'à nos jours. Et même si on parle beaucoup de Léonard de Vinci, on en a parlé l'année dernière, Raphaël reste finalement l'un des grands astres de la Renaissance italienne et même la Renaissance tout court. Et puis, disons-le, parce que la collection est née au 19e siècle, Raphaël est vraiment l'artiste absolu, l'artiste majeur, bien avant Léonard de Vinci même. Exactement. Alors, finalement, la fortune de Léonard de Vinci est plutôt une redécouverte, une revalorisation du XXe siècle. Raphaël, finalement, a une réputation qui ne s'est pas démentie depuis sa mort, depuis le XVIe siècle. Et c'est pour cela que la collection de Chantilly, qui a été rassemblée au XIXe siècle, comme vous l'avez dit, par Henri d'Orléans, duc d'Aumale, hein, le fils du roi Louis-Philippe, qui était richissime, un immense collectionneur, mais cette collection est si riche en Raphaël. Et d'ailleurs, Raphaël est l'artiste préféré du duc d'Aumale. Lorsqu'il voyage, notamment en Italie, mais aussi dans tous les musées d'Europe, il va voir les œuvres et les tableaux de Raphaël et il va chercher durant toute sa vie à acquérir des dessins, des tableaux de l'artiste. Et c'est ce qu'il va parvenir à faire. Et puis on parlera peut-être d'un des trois tableaux de Raphaël conservés à Chantilly, finalement, qui est une redécouverte. En fait, le duc d'Aumale pensait avoir une copie et ce n'est qu'à la fin du XXe siècle qu'on a découvert que c'était un autographe, une œuvre autographe de l'artiste. Mathieu Deltic, nous évoquons là trois tableaux de Raphaël. Alors deux que le duc d'Aumale savait authentiques, un qu'il pensait être une copie et qui s'est avéré authentique. Trois tableaux, ça pourrait sembler peu, mais il faut rappeler que c'est exceptionnel déjà de posséder trois tableaux de Raphaël. Alors au XIXe siècle, encore plus, où tous les musées de France ont leur Raphaël, qui bien souvent s'avère un faux en fait. Il y avait énormément de faux Raphaël parce que c'était vraiment le peintre vedette du XIXe siècle. Oui, en effet, et d'autant plus qu'à cette époque, l'histoire de l'art n'avait pas fait encore tout son travail, donc on avait du mal encore à distinguer Raphaël, ses élèves, ses suiveurs, ses collaborateurs. Il faut savoir que parmi les trois tableaux donc, qu'a rassemblé Henri d'Orléans, duc d'Aumale, il y en a deux qu'il pensait authentiques, hein, les Trois Grâces et la Madone d'Orléans, et deux tableaux qui ont coûté extrêmement cher pour son époque. Ça fait partie des 50 tableaux les plus chers du 19e siècle. Hein. On a des listes dans les almanachs, c'était un peu la mode, hein, de regarder comme aujourd'hui le feu des enchères et d'établir des listes. Et donc le duc d'Aumale, qui était immensément riche, mettait le prix pour ses acquisitions. Et finalement, il a eu du flair parce que, comme vous l'avez dit, au XIXe siècle, souvent, on a du mal à distinguer les vrais Raphaël des copies ou des variations par les suiveurs. Et à Chantilly, c'est le contraire qui s'est passé. En fait, ce qui était considéré comme une copie au XIXe siècle et pendant une grande partie du XXe siècle, s'est avéré être un original de Raphaël qui a été authentifié et publié seulement en 1979. C'est exceptionnel, hein, d'ailleurs. L'histoire elle-même de la collection est formidable parce qu'avec le duc d'Aumale, nous avons cette collection, avec Raphaël au centre de la collection. Et puis, nous avons le lieu lui-même, Chantilly. Et il faut évoquer quand même comment ce château, qui est quand même un des plus beaux de France, hein, y a pas à dire, a pu accueillir une telle collection. En fait, là, il y a une conjonction magique qui fait que nous avons un prince qui a cette chance d'avoir énormément d'argent et qui est apte à pouvoir construire cette collection. Donc là, c'est au XIXe siècle, c'est en 1830 que le duc d'Aumale hérite en fait du domaine de Chantilly. Oui, alors en 1830, le duc d'Aumale a 8 ans. C'est un jeune garçon dont le parrain vient de mourir. Le parrain, c'était le dernier prince de Condé, qui était mort sans héritier parce que son propre fils avait été fusillé en 1804 dans les fossés de Vincennes. sur l'ordre de Napoléon Bonaparte. Et donc la lignée historique des princes de Condé s'éteignait, une lignée très importante. Il faut rappeler que les princes de Condé étaient les cousins des rois de France, une branche cadette de la maison de Bourbon, des princes très très riches qui avaient des domaines dans toute la France. Et donc le dernier prince de Condé a légué sa fortune et notamment son domaine de Chantilly à son filleul Henri d'Orléans, duc d'Aumale, le fils du roi Louis-Philippe. Et ce duc d'Aumale qui va être un prince lettré, un prince historien, bien éduqué, va se voir privé assez jeune, à une vingtaine d'années, de fonctions politiques et militaires, parce que le régime de son père, Louis-Philippe, la monarchie de Juillet, a été balayé en 1848. Et donc il va, avec toute sa famille, s'exiler en Angleterre. Il va devoir vendre ses terres, ses biens en France, et il va se retrouver à la tête d'une fortune colossale. Et étant donné qu'il n'avait ni fonction politique ni militaire, pendant cet exil qui va durer plus de 20 ans, il va passer son temps à collectionner les dessins, les tableaux, les manuscrits, les livres, les objets d'art, avec un but qui est tout à fait celui du 19e siècle, un peu nationaliste, et de rassembler une collection notamment de trésors de l'art et de l'histoire, notamment de l'histoire de l'art français, pour ensuite avoir l'ambition de ramener tout ça en France. Et c'est une chose qu'il va pouvoir opérer à la chute du Second Empire. À partir de 1870, il va pouvoir revenir en France avec toute sa collection et il va reconstruire le château de Chantilly qui avait bien souffert de la Révolution. En fait, pendant la Révolution française, le grand château avait été complètement rasé jusqu'au soubassement. Il n'est resté que le petit château de Chantilly. Et il va reconstruire ce grand château dans les années 1870-1880 pour en faire un musée, pour abriter cette collection extraordinaire qu'il va enrichir jusqu'à la fin de sa vie en 1897, date à laquelle il va mourir sans héritier et léguer à la France, via l'Institut de France, finalement son grand œuvre, cette collection et son domaine. Avec donc cette exposition actuellement, Raphaël à Chantilly, le maître et ses élèves. Donc il y a ici cette idée de collection majeure qui nous rapporte à un peintre, toujours cet écho hein, entre la construction d'une collection et puis ce que dit le peintre lui-même. Je vous propose d'écouter Daniel Arras. Daniel Arras qui, dans l'émission Un goût idéal sur France Culture, nous parlait de Raphaël, c'était en août 1992. Raphaël n'est pas un peintre, alors il a droit à une gloire officielle encore aujourd'hui, mais c'est pas un peintre qui a priori plaît. Et Stendhal a déjà dit pourquoi Raphaël ne plaît pas comme ça tout de suite, parce que Raphaël parle trop à la tête, c'est ce que dit Stendhal. Oui, bien, mais quand on voit, et je reviens d'Allemagne, où j'ai fait un tour dans différents musées allemands, où il y a des Raphaëls magnifiques, quand on voit la picturalité de Raphaël, moi, voilà, ce genre d'image qui, effectivement, fait que je suis inépuisablement enthousiaste de peinture. Ce jeune homme si beau, dans la tête penchée sur un cou gracieux, avec une allure de négligence et de fierté, n'est-il pas voué à une adolescence éternelle? Il a le charme d'une fille. C'est le portrait qu'en fait Faucillon. Très, hein, très joli. C'est comme texte. Ça aussi que vous très, voyez très le Raphaël. C'est aussi quelqu'un qui travaillait beaucoup. Hein, il est mort d'épuisement, Raphaël. Il est mort, bon, sans doute d'une fièvre, mais il est mort d'épuisement parce qu'il avait un énorme atelier de peinture. Il faisait de la peinture, de l'architecture, de la sculpture. Il faut aussi un peu lutter contre ces images trop charmantes. Le texte de Faucillon est très, très joli, mais c'est presque trop charmant, Raphaël. Une image un peu d'Épinal. Un peu. C'est pas gentil pour Faucillon. C'est pas gentil pour Faucillon de dire qu'elle est d'Épinal. Disons, c'est une image un peu lithographie 19e. Hein, mais pas, vous voyez, pas gravure sur bois d'Épinal, mais litho-romantique 19e. Bon. Mais Raphaël, en fait, est un peintre. Ce qui me fascine, je dois dire, chez Raphaël, c'est la capacité qu'il a. Et là, on ne peut le voir qu'en travaillant sur Raphaël, de cacher son effort. C'est-à-dire le charme de Raphaël, et ça, ce qui me fascine personnellement, c'est effectivement son extrême, le terme est d'époque, grâce, ou sa sprezzatura, hein, c'est-à-dire le fait que, alors que ça a l'air naturel, alors c'est le comble du travail. Daniel Arras, qui parlait de Raphaël sur France Culture en 1992. Mathieu Deldic, cet écho de Raphaël dans l'idée d'un peintre qui ne plaît pas, qui est trop complexe, qui parle à la tête, quel regard vous portez sur Raphaël, après avoir travaillé sur cette exposition Raphaël à Chantilly, et puis j'ai presque envie de dire même de côtoyer, d'avoir une intimité avec ses œuvres. En fait, c'est vrai que finalement Daniel Arras a complètement raison. Lorsqu'on voit Raphaël, on a l'impression de voir une sorte de perfection divine, hein, ça c'est dans les textes dès le XVIe siècle. une sorte de peinture harmonieuse et facile. Mais lorsqu'on étudie sa manière, notamment aussi ses dessins, et c'est tout finalement l'intérêt de l'exposition de Chantilly, on entre dans la tête et dans la main de Raphaël, et on voit que c'est un artiste extrêmement perfectionniste, qui va élaborer des dizaines et dizaines de dessins pour aboutir à un tableau et une harmonie, une composition qu'il juge satisfaisante. Et finalement, c'est assez émouvant de voir le processus créatif d'un tel génie. Et finalement, c'est grâce au dessin qu'on peut entrer dans tout cela. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que Raphaël, c'est vraiment aussi le fils de son temps, le fils de la Renaissance italienne, qui va, tout au long de sa carrière, évoluer, s'alimenter, être influencé par les grands exemples qui l'entourent. Ça va être Léonard de Vinci, ça va être Michel-Ange, ça va être le Pérugin, auparavant, son maître. Ça va être aussi l'Antiquité. Hein. On est dans cette Renaissance italienne qui va promouvoir ce retour ou cette redécouverte de l'Antiquité. Donc c'est finalement un artiste à la croisée de bien des aspirations d'une période fascinante qui est celle de la Renaissance. Mathieu Deldic, vous avez raison de souligner ces échanges. Tout simplement, nous sommes à la Renaissance qui est en fait, une fois encore, un lieu de confrontation, un moment où le regard des uns sur les autres, la discussion et puis simplement la copie, cet échange permet en fait ce foisonnement, cet échange s'oriente même plus au nord, hein, vers Durer. Vous pouvez voir dans ces œuvres de Raphaël des échos sans cesse, alors qu'ils viennent d'Italie évidemment, mais qui viennent d'encore plus loin. Oui, en fait, ce qui est assez fascinant, hein, on a aussi dans cette période-là des échanges de gravures, d'estampes entre le nord et le sud de l'Europe. Et donc, par exemple, Raphaël avait connaissance de plusieurs compositions ou œuvres de Durer. Et dans la première salle de l'exposition de Chantilly, vous pourrez voir un grand carton, ce qui est un dessin préparatoire à grandeur réelle de l'œuvre finale, qui montre des petits enfants, des petits bambins qui sont dans une sorte de tournoi. Ils sont juchés sur des sangliers et ils sont en train de jouter. Et en fait, ces sangliers ont pour modèle une gravure de Durer. Et on est là devant une œuvre du jeune Raphaël à Urbino, hein, sa ville de naissance. Il a même pas 20 ans. Et tout de suite, on voit qu'il s'inspire des grands exemples qui l'entourent, et notamment de l'exemple de Durer. Et c'est vraiment une caractéristique de cette Renaissance que d'avoir ces échanges artistiques très féconds, favorisés par les déplacements d'œuvres, les déplacements aussi des artistes. Hein. Raphaël va voyager dans toute l'Italie. Et donc, Raphaël ne serait pas celui qu'il est sans tous ces échanges. Alors justement, Raphaël voyage, il est né à Urbino, vous l'avez rappelé, Mathieu Deldic, et puis il se rend également à Florence, parce que Florence, pour rappeler le poids de cette ville, le rayonnement de Florence à la Renaissance, je vous propose un extrait d'une fiction radiophonique de France Culture, c'était en juillet 1996, quand le père de Léonard de Vinci annonce qu'il part pour Florence et qu'il emmène son gamin avec lui, ce qui permet d'ailleurs de nous donner une description de la ville au moment où il va rencontrer Raphaël. Si je puis me permettre de t'arracher à tes méditations, je vais te donner une nouvelle. Bientôt, nous partirons pour Florence. Florence ? Pourquoi ? Devrais-je quitter ma campagne ? J'ai loué une maison via della Prestanza, à côté du Palazzo Vecchio. Florence est une immense ville. Il n'y a que de la pierre inerte. Je perdrai mes montagnes, les fleurs, les ruisseaux, ces grands arbres, les aigles aux ailes immenses. Il est temps, mon fils, que tu connaisses autre chose. Santa Maria del Fiore est presque achevée. On vient de couronner de sa lanterne l'immense coupole du Brunelleschi. Tu verras une merveille. Et mille églises et des palais à ne plus en finir, surtout celui des Médicis. Mon avenir se construira dans la capitale. Imagine, 33 banques. Son revenu est supérieur à celui de tout le royaume d'Angleterre. Et il y a 100 000 habitants. Que ferais-je, moi, seul, parmi 100 000 inconnus ? Fiction radiophonique sur France Culture en 1987, c'est le père de Léonard de Vinci. Alors, Léonard de Vinci est plus âgé que Raphaël, il y a une trentaine d'années d'écart entre les deux. Oui, Léonard est né en 1452 et Raphaël en 1483. Donc, quand Raphaël arrive à Florence vers 1503-1504, il va rester quelques années, 4 ans à Florence à peu près, en faisant des voyages, en retournant régulièrement dans sa région d'origine, vers Urbino, vers Pérouse. Raphaël donc est plus jeune et Léonard est un artiste installé qui bénéficie de grandes commandes, notamment de la seigneurie de Florence. Et Raphaël vient à Florence justement pour... continue à apprendre, continue à se former, hein, on le sait par les sources. Il n'a toujours pas accès aux grandes commandes officielles, mais il va bénéficier d'un certain nombre de commandes particulières. Il va aussi se faire une spécialité de ces madones à l'enfant, hein, qu'on connaît bien, pour toute une clientèle bourgeoise ou patricienne. Et la leçon de Léonard va être vraiment très importante pour sa formation, ou en tout cas le développement de son art. Et puis dans ce développement de l'art, il y a surtout énormément de travail, ce qui est terrible en plus avec Raphaël, effectivement, c'est, vous l'avez évoqué, hein, Mathieu Deldic, ce côté presque parfait de l'œuvre, mais il y a tout le travail préparatoire, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir tous ces dessins, mais qui eux-mêmes sont des œuvres qui paraissent presque achevées parfois. Il y a un écho qui est intéressant, et c'est pourquoi la collection que conserve le domaine de Chantilly est magique, parce que il y a toute cette préparation, en fait, on voit les coulisses. Oui, en fait, ce qui est fascinant dans le dessin, c'est qu'on peut voir les hésitations, les changements de partie, et on peut comprendre l'œuvre finale, que ce soit une fresque ou un dessin, pourquoi ce personnage est dans cette position, quel est le sens aussi des compositions qui ont été mises en place, quelles sont les influences aussi, parce que le dessin, quand on le regarde, en fait, il peut avoir plusieurs usages, et c'est ce qu'on propose notamment à Chantilly. Il y a les petits dessins, ce qu'on appelle les primi pensieri, les premières pensées, c'est une sorte de petites esquisses virevoltantes, ce qu'on appelait le dessin non cultivé, hein, c'est-à-dire des repentirs, quasiment des gribouillis, hein, d'où va jaillir la forme. Et puis, lorsqu'on a isolé, lorsque Raphaël aura isolé tel ou tel détail, tel ou tel personnage, il va pouvoir travailler à des compositions, il va pouvoir agencer les personnages, agencer les détails, ce travail de composition est le travail principal, à vrai dire, chez Raphaël. Parfois, on a des dizaines et dizaines de dessins pour aboutir à la composition finale et harmonieuse. Et puis, une fois que tout ça est mis en place, on va travailler la lumière. C'est ce qu'on voit avec les lavis de couleur, les lavis d'encre, pardon, où on va accentuer les lumières, les ombres, placer les lumières à droite, à gauche, en haut, en bas, de manière très scientifique quasiment. Et puis, une fois que tout cela est abouti, la composition, les couleurs, les études de détail, on va pouvoir tracer ce qu'on appelle un modello, un petit modèle, c'est-à-dire un dessin abouti, achevé, que Raphaël va pouvoir soumettre notamment à ses commanditaires, à ses mécènes, pour avoir une sorte de top départ avant de tracer le carton final, c'est-à-dire le dessin à grandeur réelle de la fresque ou du tableau définitif, une sorte de calque en fait, hein, de dessin qui va permettre un transfert vers une fresque ou un tableau. Et donc c'est une sorte de chaîne opératoire qu'on peut retrouver grâce à ces feuilles de papier qui sont souvent très fragiles, abîmées par l'histoire, mais qui sont essentielles pour comprendre le processus créatif d'un grand maître comme Raphaël. Mathieu Deldic, vous avez évoqué ces fresques, et effectivement, Raphaël, il y a ces tableaux que l'on trouve dans les musées, alors beaucoup de Madone, parce que ça c'est un gros succès, la Madone à l'enfant, mais son grand succès et sa postérité également est sur mur, ce sont les fresques que l'on va trouver à Rome. C'est vrai que Raphaël à Rome est un moment magique en fait, c'est d'un seul coup une ampleur démesurée dans son travail. C'est véritablement Rome qui a fait Raphaël. Raphaël arrive à Rome en 1508, appelé par le pape Jules II, qui est un pape de la Renaissance extrêmement ambitieux, qui va vouloir faire de Saint-Pierre de Rome et du Vatican la lumière de l'Europe. Et Raphaël va être embauché, engagé dans ce grand chantier des chambres du Vatican, où il va réinventer l'art de son temps, de pièce en pièce, avec toutes ces fresques extrêmement complexes au niveau iconographique, mais aussi complexes au niveau artistique. Et c'est là que Raphaël, à la tête d'un atelier qui va être pléthorique, va réinventer l'art de la Renaissance italienne, avec un dynamisme, avec un sens de la tridimensionnalité, de l'espace, de l'histoire aussi. Et ça va être quelque chose d'assez bouleversant qui va s'éteindre avec sa mort en 1520. Il s'éteint avec sa mort en 1520, mais c'est la force des artistes, ils sont toujours présents. Et d'ailleurs, Raphaël est quelqu'un qui connaît un grand succès populaire, notamment avec ses petits chérubins. Alors là, les chérubins de Raphaël, on les connaît tous. Eh bien écoutez, je vous propose de rejoindre Juliette, la fabuleuse chanteuse Juliette, qui, elle, nous parle du congrès des chérubins. Dans une chapelle florentine, une fois l'an, vers la minuit, on entend rumeur clandestine, un drôle de charivari. Blabla froufrou, éclat de rire, comme une volière en délire. Approchez-vous et voyez ces bambins, le cheveu frisé et le regard mutin, malins et coquins chérubins. Petits anges l'ont bien fait su, enfants Jésus ronds et maflus, sortis des tableaux, des jardins ou du ciel, venus par milliers et à tire d'aile, assister à leur congrès annuel. C'est nous les petits Poutini, fesses à l'air et jour rebondis, en peinturant la vie, en marbre d'Italie, en parent flip pour trublion, tétons mignons, venons trognons, chantons le guérigodon. La chanson des gros cupidons, fesses à l'air et jour rebondis, c'est nous les petits Poutini. Mais voici l'heure des doléances, pour se plaindre chacun s'avance. Un marmousin à belle bedaine dit: je suis l'ange d'une fontaine, je suis de ceux pour qui la tâche est lourde, portant une vasque de quatre fois mon poids, l'eau coule sur mes yeux, inonde mes esgourdes, et je viens tel que vous me voyez là, d'un pays où les hivers sont froids. Te plains pas, dit un autre, en ce gel à Paris, regardez mon teint, je suis noir comme la suie, j'attends en vain qu'on restaure mon balcon, j'ai de l'asthme à cause de la pollution, et je sers de perchoir aux pigeons. C'est nous les petits Poutini, fesses à l'air et jour rebondis, en peinturant la vie, en marbre d'Italie, en parent fripon trublion, tétons mignons, bedons trognons, chantons le guérigodon, la chanson des gros cupidons, fesses à l'air et jour rebondis, c'est nous les petits Poutini. Nous sommes trois anges musiciens, portant trompettes et tambourins. Dans une cathédrale austère, on est condamné à se taire. Alors quand même qu'il y a les guerres-freins, chanson à boire, couplet de carabins. Nous voilà tout droit, silencieux et moroses, et pour ainsi dire au bord de la névrose, déprimés par les chants grégoriens. Un ange l'ont dit, moi je joue du luth, et je dois vous dire que j'aime pas trop ça. Un autre répond, t'aurais pu jouer de la flûte, et ça mon ami, ça fait du dégât. Ça détruit l'oreille et l'occiput, t'es la preuve. C'est nous les petits Poutini. Fais aller et je rebondis, en passant la vie, en marbre d'Italie, en baron fripon trublion, t'es ton mignon bedon trognon, chantons le guérigodon. La chanson des gros cupidons, on fait ça l'air et jour revendit. C'est nous les petits Poutini. Pardon, excuse-moi, désolé. Vas-y, dis-leur toi. On voudrait pas jouer les vedettes, vu qu'on n'est qu'un détail dans un coin. Mais le tableau qui nous abrite est chouette, et il est célèbre, le gars qui l'a peint. Le regard adorable tourné vers les cieux, la main sur la joue ou les bras croisés. Monsieur Raphaël, on s'emmerde un peu, et pour nos portraits vendus dans le monde entier, on n'a pas touché un caramel. Ah ça, vous me faites rigoler, dites un blondinet un peu bâton. Moi qui suis âpre comme un charron, qui ne serait boire ni bière ni eau, je pisse toute la sainte journée, allez. Mais la fête est déjà finie, à l'année prochaine mes amis, rangeons nos tympanons, sac-bout et palterion, fanfaron, fripon, trublion, téton, mignon, bedon, trognon. Retrouvons nos maisons, nos musées, nos gazons, fesses à l'air et jour rebondis. À bientôt, petit Pontigny. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. C'était Juliette Noureddine dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Alexandre Dang, deux Alexandres dans le cours de l'histoire. Aujourd'hui, le cours de l'histoire se trouve à Chantilly. Mathieu Deldic, vous nous présentez cette exposition Raphaël à Chantilly. Le maître et ses élèves est essentiel. Raphaël est un artiste qui fait école tellement il est réputé, mais il faut rappeler aussi ce qu'est le statut d'artiste en fait sous la Renaissance. On sent qu'il y a un vrai côté de rigueur d'artisan, beaucoup de dessins préparatoires, vous nous l'avez dit, et puis pour réaliser une œuvre, ce n'est pas aussi simple qu'aujourd'hui, il n'y a pas les tubes de peinture, il y a beaucoup de travail derrière, il y a du monde autour d'un artiste. Oui, en fait, Raphaël est une sorte d'entrepreneur ou de même de chef d'orchestre, notamment à Rome, lorsqu'il va avoir toutes ses commandes et surtout celle du Vatican, des chambres du Vatican. Alors c'est commun dans la Renaissance italienne que d'avoir des grands ateliers d'artistes. D'ailleurs, Raphaël a fréquenté de grands ateliers d'artistes lors de sa jeunesse, notamment celui du Pérugin à Pérouse, et là il va comprendre comment fonctionne tout ça. Le propre père de Raphaël d'ailleurs avait un atelier à Urbino, un atelier ensuite qui est, dont Raphaël a été le maître. Et donc à Rome, Raphaël va avoir vraiment beaucoup de collaborateurs autour de lui, mais des collaborateurs qui sont peintres, mais qui sont là aussi pour préparer les pigments. Hein. Vous le disiez, il n'a pas des tubes de gouache tout préparés pour préparer les fresques, mais aussi autour de lui, il y aura des maçons, il y aura des céramistes, des architectes. Enfin voilà, une sorte de métier très différent pour aboutir au grand chef-d'œuvre que l'on connaît à Rome. Et cet atelier, ça n'est pas seulement un atelier professionnel, c'est une communauté d'hommes, une communauté de travail. Et on va voir Raphaël, notamment après sa mort ou en préparant sa mort, veiller au destin de tous ses élèves, de tous ses collaborateurs, en leur léguant des sommes d'argent, des dessins, des chantiers en quelque sorte. Et donc c'est assez émouvant, c'est-à-dire qu'on n'est pas là dans une froideur des œuvres de Raphaël, un entrepreneur qui veut à tout prix achever ses œuvres. Il est là aussi comme une sorte de père de famille qui va accoucher de la Renaissance italienne et aussi notamment de la Renaissance maniériste. Et justement, dans les collections constituées par le duc d'Aumale, il y a beaucoup de dessins de ses élèves. Comment ça se construit en fait? Il doit être difficile de différencier une œuvre du maître et puis une copie par l'élève. En tout cas, vous, les spécialistes comme vous, Mathieu Deldic, vous en êtes capable, vous travaillez sur la question. Mais pour l'amateur d'art ou le duc d'Aumale lui-même, quand on lui présenter une œuvre en lui disant c'est Raphaël, comment on pouvait savoir si c'était un vrai Raphaël ou si c'était une copie par un élève? Alors, c'est compliqué pour le dessin, parce qu'il n'y a pas de dessins qui sont signés par Raphaël en disant c'est moi qui l'ai fait, etc. En fait, c'est le travail de l'histoire de l'art, de l'étude du style, de la comparaison aussi entre les dessins. C'est pour ça qu'une exposition est très importante. Ça permet de rassembler un certain nombre de dessins et de voir les qualités des uns et des autres, de voir les faiblesses aussi de certains autres. Et donc c'est un travail sur le long cours, et c'est vrai que par exemple le duc d'Aumale pensait avoir 22 dessins de Raphaël, et en fait il en a une toute petite dizaine de dessins autographes de Raphaël, et finalement le corpus des dessins d'atelier, des dessins d'élèves, lui a grossi. Donc c'est des comparaisons qui doivent être menées, mais le travail s'arrête jamais hein, finalement. Et là, à l'occasion de l'exposition, il y a certains dessins qui ont été revalorisés parce que parfois l'histoire de l'art a été un peu plus sévère qu'il ne faudrait. Certains autres ont été vraiment confirmés dans leur état de copie ou de dessin de suiveur. Donc c'est pas une chose simple, mais c'est un travail sur le long terme. C'est une question de qualité et de comparaison avant tout. Oui, et puis c'est vrai que nous sommes avec des artistes, donc avec de l'humain, et il y a toujours la trace de ce qu'est la personne et la trace du contexte, du temps où est produit l'œuvre. Je vous propose, Mathieu Deldic, d'écouter un extrait d'une émission des Talents et des Gens. C'était en 1978, en février 1978, sur la troisième chaîne de la télévision française. L'émission s'intéressait à l'art maniériste et notamment à Jules Romain. Alors ça, c'est la manière francisée d'appeler un élève de Raphaël, Giulio Romano, et là d'un seul coup on est un peu plus proche de la Renaissance. L'empire maniériste est vaste, il dépasse les frontières nationales, c'est toute l'Europe occidentale. Et sa durée, elle, s'étend sur un siècle entier, 1520 à 1620 environ. Ce tableau de Jules Romain, qui a pour sujet la circoncision, offre plusieurs caractères qui peuvent servir à définir le maniérisme. La même intensité est apportée à tous les détails, à tous les personnages qui remplissent complètement l'espace. Également, ce qu'il faut noter, c'est l'apparente indifférence des personnages à la scène représentée. Les personnages sont traités pour eux-mêmes, comme des motifs décoratifs, et il y a une impression qui s'impose à la première vision. C'est celle qui relie entre eux les deux motifs de ce tableau, les personnages d'une part, et de l'autre, les immenses colonnes torses qui soutiennent ce temple, de sorte que tout l'ensemble du tableau semble agité par une saltation qui en fait le ballet du maniérisme. L'art maniériste, un extrait de l'émission de 1978 dans le cours de l'histoire sur France Culture. Mathieu Deldic, Raphaël est un artiste de la Renaissance. Nous évoquons le maniérisme. Alors, c'est quoi? C'est l'évolution qui va suivre la Renaissance. Est-ce qu'il est possible, en fait, de construire à partir de ces collections, ce que vous avez, vous, au musée Chantilly, de reconstruire un peu ces mouvements d'histoire de l'art. Le maniérisme n'est pas encore présent avec Raphaël, mais ses élèves, eux, vont évoluer vers cette forme d'art. Oui, en fait, le maniérisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des élèves, la génération qui va suivre celle de Léonard, de Michel-Ange et de Raphaël, qui va vouloir poursuivre dans la manière de ses maîtres, donc la maniera. D'où le terme de maniérisme. Mais en fait, cette manière qui est quasiment indépassable, c'est-à-dire comment faire mieux que Raphaël, que Léonard, que Michel-Ange, c'est quasiment impossible, en tout cas pour les yeux et les regards de cette époque-là. En fait, ils vont accentuer cette manière, la rendre plus extravagante, avoir des effets de lumière, des effets dynamiques beaucoup plus prononcés, des formes aussi très allongées, une sorte aussi d'horreur du vide parfois, avec des scènes extrêmement fouillées, extrêmement denses. C'est ça en fait le maniérisme, c'est-à-dire c'est cette génération suivante qui va s'appuyer sur ses grands maîtres, mais vont accentuer la manière de ses maîtres. Et ça va être le cas notamment de Giulio Romano, donc le principal élève de Raphaël, qui va poursuivre son œuvre dans les chambres du Vatican, qui va poursuivre notamment la dernière manière de Raphaël, qui est une manière faite de clair-obscur, de dynamisme, de tridimensionnalité. Et ce Giulio Romano va avoir une grande œuvre, c'est le Palais du Thé à Mantoue, où il va montrer un peu ce qu'est le maniérisme, c'est-à-dire ses formes accentuées, ses formes très monumentales. On connaît peut-être la salle des géants à Mantoue. Donc c'est une sorte de génération en fait qui va suivre celle de Raphaël et de Léonard et de Michel-Ange, qui va développer ce qu'on appelle maintenant le maniérisme a posteriori. D'où l'intérêt aussi de l'exposition à Chantilly, Raphaël à Chantilly, le maître et ses élèves. C'est aussi ce dialogue, dialogue dans le temps, évident. Après la mort de Raphaël, en 1520, il y a toujours une présence de Raphaël, mais cette présence-là est modifiée, est adaptée presque au goût du moment, on pourrait dire. Oui, en fait, Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut retenir après la mort de Raphaël. Donc, l'atelier va rester soudé, va continuer, va achever le travail au Vatican. Et puis, Giulio Romano va être appelé à Mantoue et donc va diffuser la leçon de Raphaël au nord de l'Italie grâce à ce chantier de Mantoue au Palais du Thé qui va être si important, un palais entièrement peint à fresque avec la manière finalement de Raphaël. Et puis, il y a le sac de Rome en 1527. Les troupes de Charles Quint, les troupes allemandes, vont saccager Rome, et ce qui va provoquer la dispersion des artistes en Italie. À ce moment-là, vous avez un autre élève de Raphaël, Perino del Vaga, qui va partir à Gênes, donc à une autre extrémité de l'Italie, pour peindre à fresque le palais de l'amiral de Gênes, Andrea Doria. Et là aussi, un grand chantier qui va modifier l'art de Gênes à ce moment-là. Un autre élève, Polidoro da Caravaggio, va partir, lui, au sud de l'Italie, à Naples, et va diffuser là-bas aussi la leçon du maître. Donc c'est finalement non seulement la mort du maître, mais aussi ce sac de Rome qui va accentuer et permettre la diffusion de cette leçon dans toute l'Italie. Voilà, donc un désastre qui permet de diffuser la leçon du maître dans toute l'Italie et au-delà. C'est-à-dire que Raphaël, de son vivant, et puis ensuite, hein, dans les années qui suivent, est quelqu'un qui est regardé mais déjà depuis la France. Raphaël est devenu un modèle très rapidement. En fait, c'est le peintre idéal qu'il faut suivre. Mais on sent que Raphaël est toujours une référence. Et comme on le disait tout à l'heure, beaucoup plus que Léonard de Vinci presque. Oui, en fait, il y a du vivant même de Raphaël, des tableaux qui sont envoyés par le pape à la cour de François Ier, des tableaux qui se trouvent toujours au Louvre et qui vont être extrêmement importants, qui vont être très regardés par les artistes actifs en France. Et puis, tout comme ce qu'on a dit tout à l'heure pour Dürer, dont les gravures, les estampes voyageaient jusqu'en Italie, ben ça va être le cas aussi de l'œuvre de Raphaël, connue par l'estampe, notamment due à Marc-Antonio Raimondi, qui est un graveur qui va travailler dans l'atelier de Raphaël et qui va populariser son œuvre grâce à l'estampe. Donc ces gravures qui sont diffusées en de multiples exemplaires et qui peuvent voyager très très facilement. Et donc ça va être une leçon en effet qui va être diffusée non seulement en Italie mais dans toute l'Europe. Et donc l'art de la Renaissance va s'en trouver bouleversé. Mathieu Deldic, en écho à ce que vous venez de dire, l'œuvre de Raphaël en fait est un résumé, un condensé de la Renaissance italienne. L'on pourrait étudier la Renaissance italienne à travers la vie et l'œuvre de Raphaël. Oui, c'est la leçon de Raphaël, c'est vraiment celle de son temps. Raphaël ne serait pas ce qu'il est et son art n'aurait pas abouti à ce qu'il est sans les conjonctures politiques de son temps, le fait qu'il soit né à Urbino, dans un centre humaniste de la Renaissance italienne, protégé par les ducs de Montefeltre. Ensuite, qu'il ait connu le Pérugin à Pérouse, un des grands maîtres de la fin du XVe siècle, qui lui a conféré cette douceur, ce calme, cette quiétude. Et puis, il a connu Florence, Michel-Ange, Léonard, dans une sorte de condensé, de creuset de la Renaissance qui avait été permis par les Médicis notamment, et puis la Rome des papes. Ça, c'est une première chose. Raphaël aussi, le fils de la redécouverte de l'Antiquité, et notamment de cette Antiquité qu'on excavait avec des sculptures romaines, qu'on retrouvait. C'est le cas du Laocoon, vous savez, cette grande figure, cette grande sculpture antique qui se trouve aujourd'hui au Vatican et qui a extrêmement marqué Raphaël. Ça va être aussi le cas des décors de la Domus Aurea, le palais de l'empereur Néron, des palais faits de grotesques, qu'on appelait des grotesques parce que ce palais avait été trouvé en fouille, on pensait que c'était une grotte. Et donc dans ce palais, on avait retrouvé des peintures romaines très graciles, avec des ornements architecturés extrêmement élaborés, qui vont marquer Raphaël, notamment au Vatican. Donc on a une sorte de conjoncture, de conjonction de facteurs politiques, quasiment religieux aussi, et puis artistiques, qui vont façonner Raphaël. C'est tout cela finalement qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on on admire ses œuvres. Et puis il faut toujours contextualiser le moment où ses œuvres sont admirées. Le regard que l'on peut porter sur Raphaël n'est pas le même si l'on est un homme du XVIe siècle, du XVIIe siècle, XVIIIe et XIXe siècle. XVIIIe siècle, c'est vrai que dans l'histoire de l'art, il y a, on va dire un envol, il y a Boucher, il y a Watteau, il y a quelque chose qui nous éloigne un peu de Raphaël. Un goût qui revient plutôt au XIXe siècle, Mathieu Deldic. Pourquoi ce goût pour Raphaël au XIXe siècle ? Parce qu'au XIXe siècle, on est marqué par le néoclassicisme. Vous savez, la manière d'Ingres, des tableaux ou une peinture très savante, très élaborée, très construite, où on voit pas la touche, hein, c'est comme dans le cas des tableaux de Raphaël, on a l'impression qu'ils surgissent comme ça, de manière quasiment divine, on voit pas le trait ou la touche du peintre, et finalement, le grand maître d'Ingres, c'est Raphaël. Et donc c'est pour ça que le 19e siècle s'intéresse, enfin, qui est le siècle aussi d'Ingres, est marqué par Raphaël. Le 19e siècle est aussi le siècle de l'histoire, le siècle l'histoire de l'art savante, et l'histoire de l'art de Raphaël est une histoire de l'art savante. Il faut avoir ses références, il faut avoir comprendre ses influences. Donc ça fait partie des quelques raisons pour lesquelles Raphaël est si populaire au XIXe siècle. Et cela explique pourquoi le duc d'Aumale collectionne des œuvres de Raphaël. Alors le duc d'Aumale, oui, c'est sûr qu'en 1830, il devient fils de roi. Son papa devient roi, c'est Louis-Philippe. En 1848, Louis-Philippe est renversé. Que devient le duc d'Aumale? Que deviennent ses collections? Comment se construit l'histoire, en fait, de Chantilly? En 1848, il est encore jeune, ce duc d'Aumale. Mais comment arrive-t-il à construire, en fait, une collection pendant le Second Empire, par exemple, qui dure 18 ans? Est-ce qu'il arrive encore à venir en France et à pouvoir promouvoir son goût pour l'art? Oui, en 1848, lorsque le régime de Louis-Philippe est abattu, en fait, le duc d'Aumale est surtout un grand militaire. Il vient de vaincre la Smala d'Adelkader. Il est gouverneur d'Algérie. Et donc, c'est avant tout un militaire. Ce n'est pas encore un grand collectionneur. Et finalement, son goût pour la collection va naître durant son exil en Angleterre, où il va n'avoir finalement que ça à faire, que de collectionner, que s'adonner à ses passions pour l'histoire, pour l'art, pour les manuscrits, les dessins, les tableaux, les objets d'art. Comment il la constitue, cette collection? Déjà, lui-même peut voyager, non pas en France, parce que ça lui est interdit par Napoléon III et le Second Empire, mais dans toute l'Europe. Il voyage très fréquemment en Italie, il y va au moins une fois par an, en Allemagne, en Autriche, il va voir les musées, etc. Et puis, il a un réseau d'intermédiaires, de marchands qui vont enchérir pour lui dans les maisons de vente, dans les ventes aux enchères, et puis on lui propose des collections entières, des grandes œuvres, des grands chefs-d'œuvre à l'acquisition. Donc ça va être une collection qui va l'occuper jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1897, hein, quasiment pendant 50 ans. Une collection construite petit à petit grâce à ses immenses moyens, et une collection qui est assez tourné vers la Renaissance, même si le XVIIe, le XVIIIe, le XIXe siècle va être très important dans cette collection. Pourquoi la Renaissance? Parce que c'est l'époque aussi, une époque si importante pour le château de Chantilly qu'il avait toujours en tête, même s'il n'y habitait plus pendant une vingtaine d'années. Il voulait y revenir, et le château de Chantilly a été modelé principalement au XVIe siècle, sous le connétable Anne de Montmorency, le connétable de François Ier. Mathieu Deldic, d'ailleurs, le duc d'Aumale revient à Chantilly. Il y revient quand se termine cet exil? En fait, l'exil s'arrête en 1870, date à laquelle le Second Empire chute avec Napoléon III. Et donc, la famille d'Orléans peut revenir en France. Il revient en 1870, en 1871, et puis très vite, il a pour ambition de reconstruire Chantilly, de l'investir et d'en faire un musée. Le musée qui s'appellera ensuite le musée Condé, en hommage à la famille de Condé qui avait vraiment transformé Chantilly et qui avait transmis Chantilly au duc d'Aumale. Et donc ça va être le grand œuvre du duc de reconstruire ce château pour en faire un musée et pour abriter cette collection qu'il va enrichir jusqu'à la fin de sa vie, et notamment d'œuvres de Raphaël, notamment les trois grâces de Raphaël, vont être acquises seulement dans les années 1880, donc très tardivement dans la vie du duc d'Aumale. Et alors, le duc d'Aumale a un enfant, mais qu'il perd, c'est bien cela, c'est ce qui explique en fait ce problème d'héritage de Chantilly. Que faire de Chantilly? Et la décision du duc d'Aumale est tout à son honneur. Oui, en fait, il va même perdre 7 enfants. 5, vraiment en très très bas âge, et 2 fils qui vont mourir à l'âge de 18 et 21 ans, bien avant lui-même. Donc ça va être une vie assez mélancolique, assez triste finalement, sur le plan humain, sur le plan personnel. Mais cette tragédie va permettre aussi ce qui est peut-être le plus beau, c'est-à-dire le fait que le duc d'Aumale est légué à l'Institut de France, et donc à la France. L'Institut de France, je vous le rappelle, c'est l'institution qui chapeaute, qui regroupe les académies, notamment l'Académie française. Et donc, sans héritier, le duc d'Aumale, qui était académicien par 3 fois, a décidé de conserver à la France, c'est ses propres mots, son domaine de Chantilly, avec toutes les œuvres, toutes les archives, tous les jardins, les bois qui le constituent, pour que ça demeure quelque chose d'uni. Et il a assorti ce legs de conditions très très strictes, notamment selon lesquelles on ne peut pas modifier son accrochage et on ne peut pas prêter les œuvres et les chefs-d'œuvre de Chantilly en dehors de Chantilly. Et c'est pour cela qu'il faut venir au château pour voir les chefs-d'œuvre de Raphaël, parce qu'en fait on ne peut pas les prêter. Et on ne peut les voir qu'au sein du château. C'est une décision du duc d'Aumale, une décision testamentaire, donc qui est respectée. Ne pas prêter les œuvres qui se trouvent à Chantilly. Dites-nous, Mathieu Deldic, ça vous pose des soucis parfois quand on vous demande à ce qu'on vous prête des œuvres? Parce que vous en prêtez jamais, mais vous ne pouvez pas les prêter. Alors, ça nous pose des soucis. En tout cas, on peut se trouver frustré de ne pas pouvoir participer à de grandes rétrospectives. Une grande exposition, par exemple la grande exposition Raphaël à Rome, on aurait pu prêter telle ou telle œuvre si cela était possible. Mais en fait, ce qui pourrait être vu a priori comme un inconvénient, on en tire une force. C'est-à-dire que cette collection qui a vraiment un sens, qui est très cohérente, très impressionnante aussi, elle est visible dans sa globalité. À chaque fois que vous venez à Chantilly, il n'y a jamais de manque, de trous, comme on peut voir dans tel ou tel musée lorsqu'il y a des prêts aux expositions extérieures. Et voilà, c'est finalement une grande chance que d'avoir ces conditions très très strictes, parce que ça permet de conserver une cohérence et d'offrir aux visiteurs une vision très aboutie, très complète de l'œuvre d'un homme et de chefs-d'œuvre de tous les âges de l'histoire de l'art réunis au sein d'un seul château. Voilà, et puis pour voir les collections de Chantilly, on peut aussi se dire je vais aller voir l'exposition Raphaël à Chantilly, le maître et ses élèves, parce qu'il y a les collections et puis il y a l'exposition. Merci beaucoup Mathieu Deldic de nous avoir parlé de cette exposition dont les débuts ont été fortement perturbés par la crise sanitaire, mais qui se remet et qui va pouvoir être visitée. Merci beaucoup Mathieu Deldic. Merci beaucoup, et puis j'espère vous accueillir à Chantilly. Le château vous attend. Merci, et avec grand plaisir. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijade, et une programmation assurée par Amélie Perrault. Demain, nous nous rendons à Metz, oui, au centre Pompidou-Metz, pour regarder le folklore afin de comprendre le futur. Dites donc, saviez-vous que Kandinsky a commencé sa carrière en tant qu'ethnographe en Russie? Ah bah oui, le folklore. À demain.